franceinter.com. Mais que se passe-t-il à Damas, capitale du plus secret des pays arabes et traditionnellement l'un des plus sûrs? On a assisté assez récemment en Syrie à toute une série d'événements mystérieux, assassinats et même attentats. Et les observateurs les plus perspicaces n'ont pas manqué de noter que cette série meurtrière a été précédée en 2007 par un audacieux raid israélien sur un bâtiment qui abritait peut-être un réacteur nucléaire susceptible de fournir un jour à la Syrie l'arme atomique. Y a-t-il vraiment un rapport entre ce bombardement aérien et les épisodes sanglants qui ont suivi? Et que penser de la politique de ce pays qui, tout en affichant des liens étroits avec l'Iran, le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, semble dans le même temps vouloir se rapprocher de l'Occident et en finir avec sa réputation d'État voyou? C'est-à-dire, pour reprendre une expression chère à l'ancien président états-unien, d'un État protégeant et accueillant des organisations terroristes. Monsieur X, dans ce nouvel entretien, où il sera aussi question du nucléaire iranien, essaie de répondre à ces questions et de dissiper quelques-uns des mystères de ce pays qui a été pendant 30 ans dirigé d'une main de fer par le Bismarck du Moyen-Orient, Hafez el-Assad. Au pouvoir depuis maintenant 10 ans, son fils, Bachar, peut-il lui aussi continuer à faire de son pays un acteur incontournable de cette région aussi tourmentée, au risque de mener en permanence un double jeu. Dans un instant, les réponses de Monsieur X. صحيح مساكين وروح لمين. changer le pouvoir syrien est une véritable énigme. Et que voulez-vous dire, là ? On y cultive un secret rigoureux. Puis, d'une certaine façon, ça rappelle un peu ce qui se passait autrefois à Moscou, où des spécialistes, des kremlinologues s'épuisaient à déchiffrer le moindre signe envoyé par les vieillards du bureau politique. À Damas, c'est un peu semblable. Oui, il est très difficile de savoir ce qui se passe au plus haut niveau du pouvoir. Pourtant, après les années Hafez et l'Assad, là, on aurait pu croire que l'arrivée d'un président plus jeune et éduqué en Occident aurait modifié les mœurs politiques de Damas. D'autant que ce Bachar, fils du précédent, n'était en rien préparé à exercer les plus hautes fonctions dans son pays. Oui, il a reçu une formation de médecin. D'ophtalmologue, oui. Et c'était son frère, aîné, qui devait succéder au père Hafez. Mais Bassel est mort prématurément dans un accident de voiture. Et quand Hafez s'est senti décliné, et il a rappelé Bachar, qui terminait sa spécialité médicale à Londres. Et seulement en quelques mois, ce cadet a dû apprendre les rudiments de l'exercice du pouvoir. Et en 2000, alors, à la mort du père, il lui a succédé. Alors c'est vrai qu'on a cru que le régime syrien allait changer en profondeur sous l'autorité de ce jeune et moderne président. Je me souviens qu'on a même parlé de printemps de Damas. Ouais, c'est parfaitement exact. Ouais, mais ça n'a guère duré. En effet. Et très vite, le fils a renoué avec les méthodes du père. Surveillance étroite de la population, absolutisme politique et surtout culte du secret. Bah, c'est une vraie métamorphose chez Bachar. Alors on a longtemps prétendu que cet échalas au visage débonnaire et doux était en fait gouverné par les caciques du régime, les hiérarques qui entouraient Hafez et les membres de son clan familial. Mais c'est faux. Bachar est vraiment le patron et il n'est pas très prudent de contester sa primauté. Et pourtant il a traversé quelques moments difficiles. Le principal étant le retrait de ses troupes qui stationnaient au Liban depuis le milieu des années 70. Un retrait exécuté sous la pression de l'Occident en 2005. Et une humiliation sans précédent pour la Syrie qui s'est traduite aussi par un appauvrissement du pays car le riche Liban était devenu au fil des ans une sorte de protectorat que les Syriens pouvaient piller comme bon leur semblait. Mais Bachar, contre toute attente, a survécu à cette grave avenir. Et malgré les accusations qui le désignent comme étant le commanditaire de l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri, il a même réussi à se faire réélire triomphalement à la présidence en 2007. Ouais, mais une élection sincère Ça, c'est autre chose. Dans un état policier, tout est envisageable. Mais alors, d'où vient que ce pouvoir est aussi secret ? Je crois qu'il le doit à ses origines, c'est-à-dire au parti basse qui s'est hissé au pouvoir en 1970 à l'occasion du putsch victorieux d'Hafez al-Assad. Un parti longtemps clandestin et conspirationniste. Et ça a laissé des traces. Un dernier mot, j'en aurais fini avec ces quelques généralités. Hafez, et maintenant Bachar, gouvernent leur pays avec l'appui d'un clan minoritaire. Le clan des Alaouites. Oui, une branche du chiisme. Oui, alors que la majorité du pays est sunnite. Il ne faut jamais oublier qu'à la différence de nombreux de ses voisins arabes, la Syrie est un pays laïque. Mais vis-à-vis d'Israël La Syrie est officiellement toujours en guerre avec l'État hébreu. Et les relations entre les deux pays sont souvent conflictuelles. En particulier à cause du soutien que Damas apporte aux pires ennemis d'Israël, le Hamas palestinien. Et le Hezbollah libanais aussi. Puis il y a la question épineuse du plateau du Golan. Un territoire syrien annexé de fait par Israël, oui. Mais dans le même temps, épisodiquement, les deux États discutent. Par l'intermédiaire de la Turquie. Même si après les douloureux et récents événements de Gaza, ces discussions ont été rompues par les Syriens. Il est certain qu'elles reprendront un jour ou l'autre. Et on parlera à nouveau de la conclusion éventuelle d'un traité de paix entre les deux pays contre la restitution du Golan à la Syrie. Mais, vous le savez, il y a des enjeux encore plus considérables. Et d'abord, celui de l'alliance syro-iranienne. Mais ça, on va en reparler. Auparavant, je voudrais évoquer un événement encore très mystérieux qui s'est déroulé en septembre 2007. L'opération Verger. Mais c'est le raid israélien sur la Syrie. Oui, et avant d'en venir aux détails précis concernant cette audacieuse opération, il faut tout de suite observer que malgré la gravité de l'épisode, les deux pays, tant l'agresseur que l'agressé, ont très peu communiqué sur ce sujet. Ce qui signifie, selon vous, là ? Si ni la Syrie ni Israël n'ont voulu donner de publicité à cet événement, c'est qu'ils cachaient une affaire éminemment secrète. Et un grand embarras aussi. De part et d'autre, c'est évident. Enfin, n'allons pas trop vite. Je vous expliquerai. La cible retenue par les autorités militaires israéliennes est un bâtiment de béton de 47 mètres de long sur 32 de large et haut d'une vingtaine de mètres. Cette construction insolite, qui a vaguement été agrémentée de quelques créneaux pour lui donner un air de forteresse turque, se trouve sur un promontoire à 800 mètres de l'Euphrate. À l'est de la Syrie, donc. Et pas très loin de la frontière avec l'Irak. Et pourquoi ce bâtiment est-il insolite, là ? Parce qu'il a été construit dans un lieu désertique, Al-Kibar, à plus de 20 km de la première ville, Deir ez-Zor. Par conséquent, on peut se demander à quoi il sert et pourquoi on l'a construit là. Exactement. Et il y avait longtemps que les satellites américains avaient repéré cette curieuse construction. Sans doute dès le début de son édification vers 2002. Et comme les Américains n'avaient pas grand-chose à cacher aux Israéliens, ils avaient informé ces derniers. Oui, mais des photos prises par des satellites ne pouvaient guère donner de précision sur ce qui se passait réellement à l'intérieur de ce cube de béton. Certes, certes. Cependant, en même temps, les grandes oreilles américaines de la NSA avaient perçu un accroissement du trafic téléphonique entre le site d'Al-Kibar et la Corée du Nord. La Corée du Nord est un voyou, hein, selon la terminologie utilisée par George Bush. Et des spécialistes du renseignement n'ont pas tardé à voir une ressemblance entre l'étrange bâtiment syrien et la construction nord-coréenne abritant le réacteur nucléaire de Yongbyon. Le réacteur qui a permis à la Corée du Nord de se doter de l'arme atomique. Même si c'est sans doute une bombe rudimentaire et de faible puissance, oui. En tout cas, ça ne prouvait pas à coup sûr que la Syrie était en train de construire un réacteur nucléaire à l'image de l'installation nord-coréenne. D'autant que la technique utilisée par la Corée du Nord, la production de plutonium, grâce à un réacteur à graphite gaz, nécessite aussi la construction d'une usine de retraitement du combustible. Et dans les environs d'Al-Kibar, il n'y en avait pas trace. Conclusion tirée à la fois à Washington et à Jérusalem, il fallait peut-être y voir de plus près. Et ne pas se contenter des vues aériennes. D'accord, mais enfin, comment on ne pénètre pas si facilement en Syrie ? Et le site était étroitement surveillé. Cependant, il semble quand même qu'un commando a réussi à s'introduire au plus près d'Al-Kibar et à prendre de très intéressantes photographies du bâtiment. Et ce commando de photographes, là, Ce sont vraisemblablement des Kurdes syriens qui ont effectué cette mission. Oui, parce que Al-Kibar se trouve dans une région proche du Kurdistan syrien. Et pas très loin de la Turquie, oui. Et ces photos, alors ? Certaines ont confirmé qu'on se livrait là à des activités très secrètes. Mais attendez, comment a-t-on pu tirer une telle information à partir de photos ? Parce que la superstructure du bâtiment, les piliers, les toits, ne semblait destinée qu'à dissimuler ce qu'on y faisait. Un simple décor. Autre photo encore plus intéressante. On y voyait deux hommes côte à côte. Deux hommes qui ont été rapidement identifiés par les services de renseignement. L'un, Ibrahim Otman, était le patron syrien du commissariat à l'énergie atomique. Et l'autre, un Asiatique, était Sean Chibu, un des principaux ingénieurs nord-coréens chargé du réacteur nucléaire de Yongbyon. Donc, il y avait tout lieu de penser que le bâtiment mystérieux l'a dissimulé une activité en liaison avec le nucléaire. Et à Washington, mais surtout à Jérusalem, on a aussitôt sonné le branle-bas de combat. Rendez-vous avec X. Avant d'écouter la suite, un bref portrait du président syrien Bachar el-Assad, tel que je l'ai trouvé dans un numéro du Monde de juillet 2008, je cite. Il n'aime rien tant que se retrouver chaque soir en famille avec Asma et leurs trois jeunes enfants et jouer au jacquet avec ses amis le week-end, écrit l'expert américain Flint Everett. Beaucoup de pages ont été noircies sur l'homme à la tête d'oiseau, comme on le surnomme parfois à cause de ce long cou surmonté d'une tête qui paraît sous-dimensionnée par rapport à sa longue et mince silhouette. Sa personnalité reste assez énigmatique. Est-il double, voire légèrement schizophrène, intelligent, pragmatique et plutôt ouverte, certes, mais il s'est aussi coulé dans le système de pouvoir clientéliste, calcifié et quasi tribal, qui l'a fait roi et qui règne sur la Syrie depuis le coup d'État baasiste, remarque un opposant. Il est souriant, pas conventionnel, mais aussi nerveux, émotif et parfois emporté, on le sait, capable de colères homériques. Prudent dans l'exercice de son pouvoir, il sait aussi prendre des paris. En politique internationale, il les a gagnés, soutien et collaboration sans réserve à la guerre de l'Amérique post-11 septembre contre Al-Qaïda et le terrorisme islamiste, son obsession de laïque pratiquant. Mais opposition résolue, 2 ans plus tard, à l'invasion, entièrement basée sur des mensonges du voisin irakien. Vous avez parlé de branle-bas de combat. Oui, à partir des informations qu'ils ont recueillies, les Israéliens sont maintenant persuadés que sur le site d'Al-Qiba, eh bien, les Syriens, en collaboration avec les Nord-Coréens, sont en train de construire un réacteur nucléaire. Mais il pourrait s'agir d'un réacteur à usage civil. Non, et pour plusieurs raisons. Je vous explique. Si cette installation était destinée à fournir de l'électricité, elle serait reliée au réseau. Or, ce n'est pas le cas. D'autre part, les dimensions modestes de la construction ne correspondent pas à celles d'un réacteur civil. Et enfin, la Syrie, signataire du traité de non prolifération nucléaire, aurait dû signaler cette installation à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et elle ne l'a pas fait. C'est donc qu'elle a quelque chose à cacher. Toutefois, certains experts consultés émettent des doutes. Alors, avec quels arguments ? Ils soulignent le fait que la Syrie ne dispose d'aucune ressource d'uranium directement exploitable. Or, le fonctionnement d'un réacteur semblable à celui qui se trouverait à Al-Kibar exigerait 50 à 100 tonnes de minerais. D'autre part, le pays, je vous l'ai déjà dit, ne possède aucune installation connue de retraitement, même si les services secrets étrangers soupçonnent l'existence de 3 autres sites nucléaires clandestins. Oui, mais ils n'ont aucune preuve. C'est juste. Alors, les autorités israéliennes, avant de lancer une éventuelle opération militaire, demandent au Mossad de tout mettre en œuvre pour percer le mystère d'Al-Qiba. Et coup sur coup, les services israéliens vont bénéficier de 2 importantes sources d'informations. Il y a d'abord un véritable coup de chance, une opération à la James Bond. Ben, racontez. Fin 2006, des agents du Mossad en déplacement à Londres apprennent la présence dans la capitale britannique d'un haut dirigeant syrien. Ils mettent aussitôt en place un système de surveillance. Et un soir, alors que cet homme est de sortie, il pénètre dans sa chambre d'hôtel. Le Syrien a commis une imprudence fatale. Il y a laissé son ordinateur. Les espions israéliens commencent par copier toutes les données du disque dur. Puis il installe dans l'appareil un cheval de Troie. Ouais, c'est un logiciel espion, ça. Qui leur permettra d'interroger à distance l'ordinateur du Syrien. Oui. Et la moisson va se révéler prodigieusement intéressante. Que trouve-t-il ? Les types du Mossad mettent la main sur des plans et des photographies du site d'Al-Qiba. Et pour eux, il n'y a pratiquement plus de doute. C'est bien un réacteur que le mystérieux bâtiment abrite. Et les experts d'évaluer sa capacité de production annuelle de plutonium à 1 ou 3 kilos. Ce qui permettrait à la Syrie de fabriquer une arme atomique en quelques années. Rappelez-moi là, combien faut-il de plutonium pour une bombe ? Entre 4 et 8 kilos. Ah oui. Et d'après les informations recueillies, est-ce que le réacteur est déjà en fonctionnement ? Il semblerait que non. Et c'est très important. Parce que si les Israéliens décidaient immédiatement de bombarder le site, ils pourraient le faire sans provoquer de dissémination de produits radioactifs dans l'atmosphère. Oui, c'est déjà une opération semblable qu'ils ont menée en Irak au début des années 80. En détruisant 2 réacteurs construits avec l'aide de la France, c'est parfaitement exact. Et ce faisant, ils avaient ruiné les ambitions nucléaires de Saddam Hussein. Oui, car la France qui s'était, il faut bien le dire, imprudemment avancée dans cette affaire, s'est ensuite bien gardée de renouveler cette coopération. En effet, et pour ne pas nuire à nos bonnes relations avec l'Irak, Paris a ensuite plutôt choisi de lui apporter son soutien matériel dans la longue et sanglante guerre qui l'a opposée à l'Iran. Mais pour revenir à Al-Qibar, les Israéliens, sans doute sous la pression de leurs alliés américains, ont mis au point une audacieuse mission terrestre qui leur a permis de recueillir des échantillons de sol, dans les environs du bâtiment censé abriter une installation nucléaire. Un résultat, hein. Ben, il aurait été positif. Ouais. Oui, mais vous m'avez dit que le réacteur n'était pas encore en ordre de marche. Certes, mais du matériel a pu être stocké en attendant. Des conteneurs ayant été en contact avec des matières fissiles, par exemple. Bon, admettons. Alors, vous avez parlé d'une deuxième source d'information. Et celle-là est venue directement d'Iran. Ouais, expliquez, alors. Ben, il s'agit de l'une des affaires d'espionnage les plus importantes de l'après-guerre froide. Je vous raconte. Au cours de la dernière décennie, les services de renseignement occidentaux ont déployé beaucoup d'énergie pour obtenir des informations sur le monde islamique. Et l'Iran, à cause de son programme nucléaire, était en tête de leurs préoccupations. Alors certes, il possédait des informateurs, en particulier grâce aux opposants iraniens. Les moudjahidines du peuple. En particulier, mais nous en avons déjà parlé. N'insiste pas, car ce sont des gens très sourcilleux dès qu'on parle d'eux. Oui. Mais ce dont les services occidentaux rêvaient, c'était de recruter une taupe au sein même du régime des ayatollahs. Ah, une taupe haut placée, naturellement. Ah bah, le plus haut possible. Et au beau milieu des années 2000, ils pensent avoir réussi. Alors, qui est cette taupe-là? Un général, Ali Reza Asghari, un personnage éminent. Pour vous en convaincre, il suffit de vous donner quelques éléments de son pédigré. Dans les années 80, Asghari est le chef des gardiens de la révolution au Liban. Ouais, les passes d'Aaron. Et à ce titre, il a noué des relations privilégiées avec le Hezbollah et avec un chef terroriste dont on reparlera un peu plus tard, Imad Mougnier. Mmh. Un homme qui a été assassiné il n'y a pas si longtemps en Syrie. Hein. Ouais, oui, vous le verrez, tout est sans doute lié. Mais je poursuis. Au Liban, Asghari a donc été mêlé de très près à tous les mauvais coups perpétrés par l'organisation dans les années 80. Les prises d'otages occidentaux et les attentats contre les QG militaires états-uniens et français. D'autant que vous m'avez souvent dit que les vrais commanditaires de ces actes se trouvaient à Téhéran. Hein. Ils connaissaient donc aussi toutes les filières d'approvisionnement en armes du Hezbollah. Des armes fournies la plupart du temps par l'Iran et qui passaient par la Syrie. De retour à Téhéran, Asghari poursuit son ascension chez les Pasdaran. Et il est nommé vice-ministre de la Défense. Ah, c'est un gros poisson, moi. Très gros, oui. Et un homme détenteur de toute une série d'informations capitales. Et ce dignitaire du régime va donc être amené à trahir. Mais pour quelle raison? Difficile à dire, car l'affaire reste encore bien mystérieuse. Mais quand on occupe un poste aussi prestigieux, il faut un mobile sérieux. Ah oui, oui. Et à mon avis, il s'agit d'un important différend d'ordre politique sur fond de corruption. Corruption, c'est-à-dire? Vice-ministre de la Défense, Asghari a été chargé des affaires logistiques et des achats militaires. Ah oui, ça, secteur sensible. Et susceptible de donner lieu à de nombreuses malversations. À commencer par ces pots de vin qu'on appelle plus pudiquement des commissions. Alors, Asghari aurait été lui-même compromis dans l'une de ces affaires? Non, je crois au contraire qu'il a découvert des faits de corruption et qu'il a voulu y mettre fin. Mais c'était risqué parce qu'à l'occasion, il a dû mettre en cause quelques puissants. Les dirigeants. Et quelques dignitaires religieux bien en place. Ce qui lui a valu d'être peu à peu écarté des premiers cercles du pouvoir les plus corrompus. Ce futur traître serait donc un homme intègre? Il en avait en tout cas la réputation. Et dans cette hypothèse, sa trahison serait aussi un acte de vengeance. Ça me paraît tout à fait vraisemblable. Alors, concrètement, comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais il est arrivé un moment où, après l'élection d'Ahmadinejad en 2005 et la radicalisation du régime, le général Asghari a senti que sa position devenait de plus en plus précaire et qu'il risquait même un jour ou l'autre d'avoir affaire à la police secrète du régime, la redoutable VEVAC. Il a donc demandé à ses correspondants occidentaux d'organiser sa défection. Mais sa fuite à l'étranger. Une opération délicate, car Asghari ne voulait pas laisser sa famille derrière lui. La peur qu'on s'en prenne à ses proches après sa fuite. Évidemment. Or, Asghari avait deux femmes et il voulait mettre à l'abri pas moins de 10 membres de sa famille, dont ses fils. Par conséquent, il a fallu procéder astucieusement pour exfiltrer tous ces gens sans donner l'éveil. Ouais. Et Asghari lui-même, il a été le dernier à quitter l'Iran? C'est très probable. Il a prétexté un voyage d'affaires pour se rendre à Damas. Puis il s'est envolé vers Istanbul, où une chambre d'hôtel lui avait été réservée sous un faux nom. Et à partir de là, il a purement et simplement disparu. Oui, mais pas pour tout le monde. Et qui a organisé cette exfiltration alors? Probablement les Américains. Mais on a aussi évoqué le Mossad. Et selon certaines sources iraniennes, le général se trouverait aujourd'hui en Israël. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. La défection du général Ali Reza Asghari a bien sûr été entourée d'un grand mystère et de nombreuses versions ont circulé. Exemple, il s'agit d'une défection organisée, affirme au Figaro le 15 octobre 2007 l'Israélien Uri Loubrani, haut fonctionnaire au ministère de la Défense à Tel Aviv et expert des réseaux chiites libano-iraniens. Tout avait été préparé, sa famille s'était réfugiée avant lui à l'étranger. Selon le Sunday Times, une dizaine de ses proches, dont ses deux fils, ont en effet quitté l'Iran avant lui. Asghari a été vu pour la dernière fois le 7 février, descendant dans un grand hôtel à Istanbul. La veille, deux étrangers se seraient rendus à la réception de l'établissement. Ils auraient réservé une chambre à son nom et payé la totalité de sa facture en liquide. Mais, concernant sa famille, le Financial Times du 27 avril 2007 donne une autre version. L'homme avait deux épouses. En choisissant la liberté, il a laissé au pays l'ancienne et s'est envolé avec la nouvelle, ce qui accrédite fortement la thèse de la défection, très probablement diligentée par un joint venture CIA Mossad. Que ce soit en Israël ou sur une base américaine, le général Asghari a dû faire l'objet d'un long débriefing, car il avait de nombreuses révélations à faire. Et ça nous ramène directement à notre affaire syrienne. Auparavant, là, dites-moi comment on a réagi à Téhéran. Pour les autorités iraniennes, c'était un coup dur. Oui, car Asghari était en possession de nombreux secrets. En particulier sur l'implication de Téhéran dans les attentats qui avaient frappé les contingents états-uniens et français au Liban dans les années 80. Et aussi des informations sur le Hezbollah. Alors naturellement, les Iraniens ont expliqué à leur manière la défection d'Asghari. Ils ont prétendu que le général avait été enlevé par des agents du Mossad. Il fallait sauver la face. Hein. Forcément. Revenons donc au sujet principal de cet entretien, le mystérieux site d'Al-Kibar. En raison des fonctions qu'il a exercées, Asghari connaît très bien le programme nucléaire iranien. Et il affirme que le réacteur syrien en construction à Al-Kibar est en quelque sorte une installation iranienne délocalisée. Ouais, ça mérite une sérieuse explication, ça. Bon, écoutez, je ne vais pas me lancer dans un long discours technique, mais il existe deux filières pour fabriquer une bombe atomique. Ouais. Oui, la production de plutonium ou celle d'uranium enrichi. Hein. Et l'Iran, vous le savez, a choisi de fabriquer sa bombe en utilisant la technique de l'enrichissement d'uranium. Mais à Téhéran, les mollahs auraient décidé de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils auraient donc proposé à Damas de financer un réacteur pouvant produire du plutonium après retraitement des barres de combustible, avec la collaboration de la Corée du Nord qui a elle-même choisi cette dernière filière. Oui, parce que si, en raison des contraintes internationales, l'Iran ne pouvait pas produire assez d'uranium enrichi pour sa bombe, ces mollahs voulaient pouvoir compter sur l'autre filière. Et c'est pourquoi je vous ai parlé d'une installation délocalisée. En tout cas, vous l'avez compris, cette révélation du général Asghari vient à point pour conforter les Israéliens, mais aussi les Américains, dans leur conviction que le site d'Al-Kibar abrite une installation nucléaire qui, à terme, représente une menace intolérable pour le Proche et le Moyen-Orient. Il n'en faut donc pas plus pour décider. Le premier ministre israélien, Ehud Olmert, a donné le feu vert aux militaires. Et ce sera donc l'opération Verger. Imagine qu'avant de passer à l'action, Israël a averti Washington. Washington qui n'a pas désapprouvé, bien au contraire. Mais une autre capitale a été informée, Ankara. Et pourquoi Ankara alors? Parce que les bombardiers israéliens seraient amenés à entrer dans l'espace aérien turc. Il fallait donc obtenir une autorisation des autorités d'Ankara, ou à tout le moins la certitude que les Turcs laisseraient passer les appareils israéliens et feraient semblant de ne rien voir. Est-ce qu'a décidé Ankara? Sans toutefois approuver, car nous l'avons vu, les Turcs étaient engagés dans les négociations secrètes entre les Israéliens et les Syriens. Ouais, mais enfin, qui ne dit mot consent. Et l'aviation israélienne a donc pu tranquillement préparer son raid. Quel a été le scénario prévu, hein? Avant de voir ça de plus près, une dernière information qui a précipité la prise de décision du commandement militaire israélien. Fin juillet, un cargo nord-coréen a accosté dans un port syrien. Officiellement, il venait livrer du ciment. Mais à Jérusalem, on n'y a pas cru. Et aussitôt, on a pensé que les Nord-Coréens venaient en fait livrer en Syrie de l'uranium destiné à alimenter le réacteur d'Al-Kibar. Alors, je vous repose ma question. Quel plan d'attaque a-t-il été choisi? Les stratèges israéliens ont imaginé un vol enveloppant la Syrie, c'est-à-dire longeant les côtes méditerranéennes avant de pénétrer dans le nord de la Turquie et de plonger ensuite droit au sud vers la cible. Au total, un peu plus de 2000 km sans ravitaillement en vol, mais avec des réservoirs de secours largables au cours du vol de retour. En entrant dans l'espace aérien syrien, les bombardiers israéliens risquaient d'être attaqués par des missiles solaires. Aussi, dès le départ des appareils, les Israéliens ont lancé une offensive informatique visant à paralyser les systèmes de détection des Syriens, tandis que des F-15 patrouillaient le long de la frontière, prêts à intercepter la chasse ennemie si elle prenait l'air. En outre, comme dans toute opération de ce genre, les bombardiers étaient équipés de leurres et de systèmes de contre-mesures électroniques. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Le programme a été respecté à la lettre. Le 5 septembre 2007, vers 23h, 8 chasseurs bombardiers F-15 ont décollé et pris aussitôt la direction du nord, le long des côtes syriennes. 3 de ces appareils ont alors quitté l'escadre pour aller bombarder une station radar, tandis que les autres ont poursuivi leur vol selon l'itinéraire aérien prévu. Un peu après minuit, les F-15 ont lâché leurs bombes guidées par laser au-dessus du site d'Al-Kibar. Et la cible a été frappée. Oui, le bâtiment a été détruit. Et la mission de bombardement était d'autant plus réussie que, selon certaines informations, l'armée israélienne avait pris la précaution de déposer un commando de reconnaissance au sol afin de mieux guider la frappe aérienne. Bon, enfin, là-dessus, j'ai pas de détails. Quoi qu'il en soit, un peu plus d'une heure plus tard, les pilotes israéliens étaient rentrés à leur base. Sans encombre, non ? Oui, la défense aérienne syrienne n'est pas intervenue. Un point mérite quand même d'être souligné. Au cours du vol de retour, l'un des appareils a largué ses réservoirs d'appoint au-dessus du territoire turc, au lieu d'attendre de survoler la mer. Et pour certains, ce largage n'avait rien d'innocent. Mais ce qui veut dire... Si les Israéliens avaient voulu laisser un indice, ils n'auraient pas fait mieux. Mais d'accord, mais enfin, pourquoi? Je n'en ai pas la preuve, que ce largage avait pour but de montrer à Damas, mais aussi indirectement à Téhéran, que la Turquie avait été complice du raid. Oui, en d'autres termes, les Israéliens ont voulu mouiller la Turquie. Oui, c'est très probable. Ce qui n'a pas empêché Ankara, naturellement, de dénoncer le viol de son espace aérien. Toutefois, les premiers qui ont dû émettre des protestations ont certainement été les Syriens. Bien sûr. Et dès le lendemain, mais ça a été très curieux, Damas a accusé Israël d'avoir largué des bombes dans une région inhabitée. Et les autorités syriennes ont ajouté que les appareils israéliens avaient dû déguerpir sous la menace de la chasse syrienne. Mais aucune mention du bâtiment détruit à Al-Kibar? Aucune, non. Et il faudra attendre plusieurs semaines et pas mal de cafouillages avant que Bachar el-Assad en personne évoque un bâtiment militaire désaffecté. Et dans la foulée, il ajoute que cette installation va être construite. Qui sera le cas? En tout cas, les photos satellitaires permettront d'observer d'importants travaux sur le site. On s'apercevra plus tard qu'il s'agissait de travaux de déblaiement de gravats, exactement comme si on avait voulu effacer toute trace de l'existence du réacteur d'Al-Kibar. On en reparlera. Et quelle réaction en Israël même? Eh bien, là aussi, on a observé un mutisme assez étonnant. Dans un premier temps, aucune information n'a été officiellement fournie. Et la censure militaire a été rigoureuse. On aurait pu au contraire s'attendre à la publication d'un communiqué de triomphe, si je me le rappelle bien. Ça avait été le cas après le bombardement des réacteurs irakiens. Tout à fait. Et un mois plus tard, Israël reconnaît quand même avoir mené une mission de bombardement en Syrie, mais se refuse à donner une quelconque explication sur la nature de la cible frappée. Ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Bien évidemment. D'autant qu'Olmert, tout en ne livrant aucun détail sur l'objectif qui a été poursuivi, déclare qu'en l'occurrence, les forces armées israéliennes ont fait preuve d'un courage extraordinaire qui étonnerait le monde s'il pouvait divulguer les faits. Il alimente le suspense là. Et comment expliquez-vous là ce mutisme d'Israël? Je crois que les autorités israéliennes veulent d'une certaine façon ménager la Syrie. À cause du dialogue là, qui a été indirectement engagé. Et parallèlement, il faut noter que la Syrie, après avoir dénoncé cette action illégale sur son territoire, se garde bien de jeter de l'huile sur le feu. Au contraire, À Damas, on déclare qu'on ne se laissera pas entraîner dans la surenchère. Ah, et donc dans une action armée de reposage. Mais enfin, étant donné la supériorité militaire d'Israël, c'est pas tout à fait surprenant. Cependant, inévitablement, des informations commencent à filtrer sur la nature des véritables activités qui étaient en cours sur le site bombardé. Et si certains journalistes évoquent des installations de fabrication de missiles, d'autres s'approchent de la vérité. Ils parlent de la présence d'un réacteur nucléaire. Ah oui, très clairement. Mais la plupart se trompent sur le véritable mobile de l'attaque. La coopération nucléaire avec la Corée du Nord. Une coopération qui pouvait à terme donner assez rapidement la bombe à la Syrie et à son meilleur allié, l'Iran, le véritable commanditaire de ce réacteur ultra secret. Cependant, la suite sera au moins aussi spectaculaire. Mais nous verrons cela la semaine prochaine. La presse s'est bien sûr longuement interrogée et les premières analyses ont d'abord conduit à penser qu'Israël, en attaquant la Syrie, avait en réalité envoyé un avertissement à l'Iran. Mais dès la mi-septembre, le Sunday Times britannique laisse entrevoir une piste radicalement différente. Extrait d'un article de Pierre Razou, paru au premier trimestre 2008 dans la revue Politique étrangère. La frappe israélienne aurait détruit un site abritant des composants nucléaires livrés clandestinement à la Syrie par la Corée du Nord. Cette piste suscite rapidement une controverse entre ceux qui soulignent que l'Agence internationale à l'énergie atomique, AIEA, n'a jamais trouvé le moindre élément prouvant l'existence d'un programme nucléaire syrien clandestin, ceux qui pensent donc que la Syrie n'a aucun intérêt à se lancer dans un tel programme nucléaire, puisqu'elle exerce déjà une capacité de dissuasion réelle grâce à ses missiles équipés d'ogives chimiques, et ceux qui voient là l'occasion d'accroître la pression sur Damas afin d'isoler un peu plus le régime de Bachar el-Assad. La suite, la semaine prochaine, avec en particulier quelques assassinats bien mystérieux. Sur franceinter.com, vous pourrez bien sûr réécouter cette émission, la podcaster. Rebecca de Nantes a préparé ce programme avec Pierre Firsion. Merci aussi à Valérie Ayestaraï, Michel Billou et Monsieur Djoub qui l'a mise en musique.